Et voilà, donc le morceau qui vient d'entamer cette émission nous vient de Belgique, les Siéniers du trio Brutus. Donc le morceau s'appelle Dust, c'est tiré de leur dernier album en date, Unison Life. Donc Brutus est un trio qui vient de Louvain, qui est composé de l'étonnante chanteuse-batteuse Stéphanie Manaerts, du bassiste Peter Mulders et du guitariste Stinge Van Nugarden. Voilà, ensemble, ils font du post-hardcore, péchu, saturé, mélodique, amené par le sublimé, on va dire, par le chant de Stéphanie Manaerts, assez puissant, assez punk, qui repose davantage sur l'intention, on va dire, que sur la justesse. Voilà, c'est un très bon album de post-hardcore pour ceux qui aiment le genre. Sinon, on prend cette émission, bon, on aura une petite séquence, on va dire, pop-punk péchu, on aura une petite séquence rock, on aura de l'électronique, on aura un premier album de la semaine, quelque chose d'assez inclassable aux frontières du pop, de la folk, du hip-hop. Tout un tas de choses, puis on continuera avec de la pop, tant empruntée par moi que par Nico, qui ne va pas tarder à arriver, je pense. On aura un peu de jazz également, Nico proposera, et on terminera par de la folk anglaise avec le second album de la semaine, signé Shovel Dance Collective. Donc on commence par une séquence, on va dire, pop-punk assez péchu. On commence par Always, qui est un quintet de Toronto, amené par la très charismatique Molly Rankin. Donc c'est une pop électrique énergique, assez shoegaze aussi. C'est un côté, oui, un côté shoegaze assez léger, mais indéniable. Voilà, donc ils ont sorti un album, leur troisième, Blue Row, le troisième depuis 2014. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Lottery Noise. Always, c'est parti. Pretty quiet out here, it's abundantly clear that no one's been coming for me. Now that you're aware, Alveys, on est resté de la pop un peu 90s, on va dire, avec un extrait d'un premier album d'un groupe qui vient du Vermont. Le groupe s'appelle Duslove, l'album s'appelle Memorial. Le morceau qu'on vient de s'écouter s'appelle Repetitioner. Donc c'est un trio composé du chanteur guitariste Echo Marshall, de la batteuse Lou Racine et du bassiste Nathaniel Van Ostel. C'est un trio qui se revendique queer post-punk, donc en tout cas ils se revendiquent tous ouvertement queer. Moi j'appelle ça de la pop énergique, ça me fait parfois beaucoup penser à du Franz Ferdinand. En tout cas c'est très, très entraînant et pas mal foutu du tout. Groupe à suivre donc du Duslove. On poursuit par une petite séquence rock, et même pour le morceau qui va suivre, rock progressif, puisqu'il est signé And You Will Know Us by The Tray of Dead, groupe de vétérans qui signe là leur 11e album, qui s'appelle 11 Bleed Here Now. Donc ils viennent d'Austin, dans le Texas, c'est un sextet, ils font plutôt dans le rock progressif qu'ils ont parfois fait tourner vers la noise, notamment sur un phénoménal album appelé Source Tags and Codes en 2002, vraiment un album qui a marqué l'année 2002. Voilà, du groupe du sextet original, il ne reste plus que Conrad Kelly et Jason Rhys. qui, avec le reste des membres du groupe, donc de nouveaux membres, ont enregistré pendant la pandémie dans une ferme au Texas. Un excellent album, donc un album assez long, hein, il y a, je crois, 15 ou 21 morceaux. 21 morceaux, quelques interludes de 1 minute, mais pas mal de morceaux assez longs, d'un ton de 11 minutes. Des morceaux assez fédérateurs, assez ancrés rock progressif, et surtout dans lequel il y a une inspiration, je trouve, mélodique qui leur est revenue, parce que j'avais un petit peu lâché l'affaire, Try of Dead. Et là, je dois dire que l'album est convaincant. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Protest Street. We'll be right back. Don't get emotional, that ain't like you. Yesterday's still leaking through the roof. That's nothing new. What I wouldn't do, but somehow giving it the old romantic fool seems to better suit the mood. So if you wanna walk me to the car, you ought to know I'll have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a mirror ball? You're getting cynical and that won't. Darling, if I were you, and how's that insatiable appetite for the moment when you look them in the eye and say, baby, it's been nice. So do you wanna walk me to the car? I'm sure to have a heavy heart. So can we please be absolutely sure that there's a après Andy Winelight by the Try of Dead, on écoutait un gros groupe bien connu puisqu'il s'agit des Arctic Monkeys, donc tiré de leur album de 2022, The Car. Leur septième album depuis 2002, un album plutôt hard rock, baroque et orchestral aux influences soul assez évidentes et souvent un chant façon Kroner de Alex Turner qui lui va plutôt bien. On poursuit avec une séquence électronique. On commence par Daphne qui est l'alter ego féminin de Dan Snaith alias Caribou. Voilà, c'est sa version... dansante, décomplexée, voire disco par moment. Même si cet album est assez électronique, voire acide, et tout un savoir-faire et en décomplexion. Donc l'album s'appelle Cherry, le morceau qu'on va écouter s'appelle, est éponyme, s'appelle Cherry aussi. Voilà, Daphne, c'est parti. We'll be right back. Donc juste après Caribou, on est resté en électronique avec Max Cooper, le londonien. Une référence en matière d'électronica et de techno un peu expérimental. C'est son sixième album depuis 2014. L'album s'appelle Unspoken Words. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Symphony in Acid. Voilà, c'est une musique électronique planante et hypnotisante, construite autour d'un concept qui est, d'après ses interviews, en tout cas, existé dans son esprit. Voilà, et c'est de la... quelqu'un qui n'hésite pas à joindre musique, science et art. Il y a d'ailleurs eu 13 courts-métrages pour chaque morceau de l'album, produit et vendu, je crois, avec l'album. On poursuit avec le premier album de la semaine, qui vient également de Londres. Qui est signé Lukman Adekunle Salami, L.A. Salami pour les intimes. Une musique qu'il définit de blues postmoderne, donc son quatrième album depuis 2016, l'album s'appelle Autoline. Donc blues postmoderne avec des textes assez sombres qui explorent les dérives post-Covid, tant sur un plan personnel que sociétal, et qui contraste avec des compositions tantôt festives, tantôt introspectives, mais en tout cas c'est assez clair, elle. Voilà, moi je qualifierais ça de pop mutante, ça mêle hip-hop, folk, sample, tube irrésistible et balade indolente, chantée un peu à la façon Mac DeMarco. En tout cas, des genres extrêmement variés, tout en conservant une réelle cohérence sur tout le projet. C'est un album assez classe, élégant et complexe, et dont chaque écoute révèle de nouveaux charmes. On va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Systemic Pandemic. On le fera suivre du morceau Lady Winter. L.A. Salami, c'est parti. Isolation with my code, the enlightened construct of my roof has gathered mold. An absent godly's free illusion stage with phallus acts, and my empire dominated act is getting old. Nihilists with capital may help you make the roads, but masculine and masochist don't help a flower grow. Men might build a house, but only women make a home. It's houseless men that make me fret, my earth won't make it home. Genocide, psychopaths, warlords make the maps. A masculine audacity that's woven in the stats. Femininity and wanting touch heals and serpents back. And if healing is a balance, I'd let balance take control. I need some love to hold on to, as I the shadow that I run. I sell myself to the wealth I belong to, like the vibes that I love. By virtue of this being Plato's cave, the crowd beholds the culture that enchants the shadow's game. Compartmentalizing colors by eyes lie evolving change, the seeing dark colored people in handcuffs getting slain. A contrarian may hit you with the facts that by the numbers the white deaths outnumber blacks. But in the Western world where the Caucasian colors stacked, attacks based on the fact you're black just means discrimination's free to act. And if power needs an underclass sustained, then they'll move blindly forward at the cost of weakest pay. And color doesn't matter if you're just too poor to play, and power has no ear to answer weakness on their level of the game. You may need someone to hold on, but I saw your shadow go. I sell myself to the wealth I belong to, while I watch your flower grow. You made me some will to hold on to, but I saw your shadow go. Sell myself to the wealth I belong to, while I watch your flower grow. In a culture that our ignorance begat, on the thrones where the old kings of nepotism had once sat, now Now sit the beasts of corporations, technocrats. The structure minds are comfort to which our morals then adapt. Individuals partake with road to gain. And racing to the top may seem a catalyst to change, but humans seem misguided by reprisals of their rage. The emotion that insists the soul engage. But power keeps your apathy sustained. Exhaustion and your portion spent on escorts and cocaine. Attacks on artifacts of the instincts that humans crave. But the cycle says there's always more to gain. And a man might be designed to keep he and his fellows safe, but not at the cost of what is clean instead of sane. You get impatient on impartial ways to act. Get out of line, you get exiled or get your neck snapped. I need some love to hold on to. As you wash your shadow down, I sell myself to the wealth I belong to. But the flowers that I'm on, I need some love to hold on to. As I wash your shadow down, I sell myself to the wealth I belong to. By the flowers that I'm on. Each time I'm sober, a light warms my forehead. Much in the same way the sun does to a clear. But when the forecast is rain, one longs to be lifted. And there was no high quite like being noticed by Lady Winter. Whispers besides the idiots I forgot to hide. They might be surprised what they find. Just another simp of a guy mesmerized by the genius cry of Lady Winter. The game is now set, press play if you like. Ephemeral bliss for a man the stars eye. Either way, it was a useful departure. Winter. Voilà, donc à l'instant, c'est le second extrait de notre premier album de la semaine, l'excellent Autoline de L.A. Salami. Le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Lady Winter. On poursuit avec une séquence, on va dire, de pop douce, pop bien troussée. On commence avec le Californien Alex Itzenberg qui a sorti son troisième album depuis 2012. L'album s'appelle I'm Not Here. C'est quelqu'un qui est malade un peu mental, qui est schizophrène hein, et qui soigne cette maladie à coups de musique, notamment de classique pop, plutôt douce et assez classieuse. Il parle dedans d'amour, de solitude, de deuil. C'est assez mélancolique et au niveau orchestration, c'est plutôt fin. Ça peut faire penser à du Harry Nilsson, à du Randy Newman. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Ivory, Alex Itzenberg. He left his faith back. best friend can't remember your name. Jesus Christ is getting drunk again. When your family won't answer your call, but your ghost is still standing at their door. Sometimes it's bad, sometimes it's good. Everybody knows it's well understood. Your whole life, it's been there forever. Better get used to it. English weather. English weather. English weather. Changes nothing, money changes everything. So let's hold hands and see if we can make it sing. You're a good looking pilot with what looks like a steady hand. It's bumping now, but soon going to land. 'Cause sometimes it's bad, sometimes it's good. Everybody knows it's well understood. Your whole life, it's been there forever. Better get used to it. English weather. English weather. English weather. Holding her favorite gun. She's dancing at the disco, pointing it at everyone. She's made of plastic and she's higher than the sun. But you saw her in time and now you're to run. Take the fire escape, remember what the fireman said. Expect the worst or you might just end up dead. So now you're free, out on a metal stair. Cigarette breathing tomorrow's air. Sometimes it's bad, sometimes it's good. Everybody knows it's well understood. Your whole life, it's been there forever. Better get used to it. English weather. English weather. We'll be right back. days are very long. You got a blanket on your knees and you're singing your favorite song. Time crawls by, it's like the days don't ever end. Sitting by the window, waiting for your special friend. English weather. English weather. English weather. Juste après Alex Hinzenberg, on a pu écouter un vieux de la vieille de la scène indé britannique, à savoir Pete Astor, qui a sorti donc l'année dernière son 11e album depuis 1990, Time on Earth. Mais Pete Astor, c'est quelqu'un qui s'était fait connaître dans les années 80 avec des groupes comme The Weather Prophets ou Ellis Island Sound notamment. Pour cet album, il alterne ballades entraînantes et choses plus mélancoliques, toujours avec une remarquable justesse d'écriture. Et il s'est entouré d'un sacré casting, puisqu'il y a Ian Bouton à la batterie, on a pu voir avec Death in Vegas notamment. Le bassiste Andy Lewis, qui a accompagné Thomas Spearmint et Paul Wheeler. Le guitariste Neil Scott, qui est guitariste dans Everything But The Girl. Et enfin, le producteur et vieil ami Shane Red des Dexys, qui a travaillé également avec Edwin Collins. Voilà, et l'album a d'ailleurs été enregistré et produit dans ses studios de Famous Times. Voilà, mais bonjour Nico. Salut Fabrice, bonsoir à toutes et à tous. Alors, la Centrifugeuse est partenaire d'une soirée concert pop ce vendredi 17 mars du côté du Labo des Arts. Le Labo des Arts, c'est 8 rue Clément dans le quartier Côte Pavée. Un endroit très très chouette, et en première partie, il y aura Pinter Boy. Ça commence en fait, l'ouverture c'est à 19h30 et Pinter Boy à 20h. Pinter Boy, c'est la moitié de Marie Mathématique qu'on avait déjà diffusée ici dans la Centrifugeuse. Et donc Pinter Boy, c'est Nicolas Mazel derrière, qui dit qu'il fait de la psychotronique, donc un mélange entre musique garage, on va dire, musique psyché et musique électronique. Ça peut être intéressant à voir. Et donc en tête d'affiche, il y aura Olivier Rocabois, le flamboyant Rocabois qui fait de la pop, oui, flamboyante, luxuriante, qui connaît sa pop par cœur, la pop en B comme les Beach Boys, les Bowie, les Beatles, etc. Bacharach. Il sera en solo, mais même en solo, ça tient la route. Et donc, pour illustrer ça, on va passer un titre peut-être qu'on n'avait jamais diffusé ici dans la Centrifugeuse. C'est son premier 45 tours qui est sorti en 2019. Le morceau s'appelle Ship of Woman. C'est Olivier Rocabois qui sera donc ce vendredi 17 mars au Labo des Arts pour 10 euros. En première partie, il y aura Pinter Boy. Very short, we need something more. to the sea on the ship of women. Yeah, there's plenty of them. I'm the only man aboard. Yeah, we'll take to the sea on the ship of women. Yeah, there's plenty of them. I'm the only man aboard. Something more. And we'll take to the sea on the ship of women. Yeah, there's plenty of them. I'm the only man aboard. Yeah, we'll take to the sea on the ship of women. Yeah, there's plenty of them. I'm the only man aboard. Man aboard, yeah, we'll sail away to sea on the ship of women. continuer avec la pop flamboyante. On était avec Alexandre Pogam de Dacapo qui va sortir son 8e album ce vendredi 17 mars. L'album s'appelle The Light Will Shine On Me et on s'est écouté le morceau Call Me In Morning qui a des accents un peu folk. Allez, maintenant on part du côté de Paris avec Jérôme Castel qui lui va sortir le 24 mars son second album qui s'appelle Doggerland. De la chanson avec des accents un peu rock à la Dominica et on s'écoute de suite La Beauté Nouvelle. Au réveil, les plantes avaient disparu dans les jardins, les champs. La terre est nue. Marcher dans la rue, les yeux hagards, cherchant à comprendre, cherchant à savoir, mais refusant d'y croire. Je deviendrai fou dans ce pays de cailloux. Cet amour de la beauté nouvelle, ceux qui viendront seront sans régaler. Cet amour de la beauté si frêle, et je ne sais pas si je serai m'y résigner. Les oiseaux disparus dans le silence du ciel, nos corps perdus. Cet amour à la beauté nouvelle, ceux qui viendront seront sans régaler. Cet amour à la beauté si frêle, et je ne sais pas si je saurais m'y résigner. Cet amour à la beauté cruelle, de là, c'est nous qui l'avons dessiné. Cruelle est la beauté quand elle ne t'est pas destinée. Ma fenêtre en dessinant l'étrange plan d'étranges lettres. S'interroge cet écolier qui fuit l'œil de son maître en rêvant sur son banc. S'enfant-elle en vacances à la mer, à la montagne? vont-elles faire un feu de camp avec tes copains de plage? Dans mon ciel, en hurlant plus fort que les cris des sentinelles, s'interroge cet enfant qui s'agrippe à sa mère en passant près des fusils. S'en vont-elle encore écraser ma maison, mon école? Vont-elles raser mon décor jusqu'à plus rien sur le sol? Plus rien sur le sol. Ces avions qui créent l'horizon. Vont-ils larguer des soldats? Vont-ils tirer dans le tas? Vont-ils sauter à l'eau? Ont-ils un nouveau maillot? Vont-ils envoyer des raies? Offrir un abri? Vont-ils aller chez Disney? Dîner avec Mickey. Vont-ils ces avions qui créent l'horizon? Vont-ils ces avions qui créent l'horizon? À l'instant, c'était le Toulousain Jérôme Pinel, qu'on a connu dans le groupe Strange Enquête et qui a sorti à la fin de l'année dernière son premier album sous son nom, qui s'appelle Un autre jour. On vient de s'écouter le morceau Les Avions. Et Jérôme Pinel aussi, il vient du monde du slam et ça se sent dans cet album qui mélange chansons, slam et jazz. Et on va continuer dans le monde toulousain puisqu'on va parler du Rémi Panossian Trio qui vient de sortir son sixième album. Une formation qui existe depuis 2009, donc c'est Rémi Panossian au piano, Frédéric Petitpré à la batterie et Maxime Delporte à la basse. Et avant, il était à la contrebasse, et pour cet album, eh bien, il s'est mis à la basse Fender. Et du coup, ça fait un album un peu plus électrique, un peu plus funk, des fois avec quelques sonorités électro. L'album s'appelle Sun Monkey Voltage, et on va s'écouter l'extrait qui s'appelle Peino. Rémi Panossian Trio. Thank you. heard the dog barking three times. One, two, three times. And I thought, that's a sign. Today is gonna be a special day. I ran down the stairs, three steps at once. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Then I put on my red pants and the green socks with the yellow butterflies that I prepared for exactly that day. At once the bell was ringing. Long, short, long. It was the postman. His eyes were twinkling when he gave me a package in the form of a triangle. I thought, this can't be a coincidence. That's a sign. Today is my lucky day. I ate 3/4 of an apple. Exactly the right breakfast for that kind of day. Then I went to the bathroom. I took all of my pills. The red, yellow, green, blue, purple ones. And they disappeared in the toilet in one flash. I opened the door and I ran out on the street. And people were smiling at me like they knew that something magic was going to happen. So I was running, running uphill. I was running and running and running because I knew for sure that there, behind the next corner, it would happen. Yes. 3, 2, 1. Okidoki va sortir leur second album Au-delà des brumes le 7 avril et on s'est écouté leur second single Special Day. Ils seront du côté de ADHF, qui est un magasin de hi-fi qui est très sympa d'ailleurs à Saint-Cyprien, pour fêter ça le 7 avril à partir de 18h30, un vendredi. Donc n'hésitez pas à aller, je ne sais pas si c'est gratuit ou si c'est payant. Et voilà, on va se quitter avec toi Fabrice. D'accord, et avec le second album de la semaine qui nous vient de Londres et qui est signé le Shovel Dance Collective. Qui ne fait pas vraiment de la danse, mais qui fait plutôt du folk. C'est un collectif londonien, il y a au moins une dizaine de musiciens là-dedans, et qui, un peu à la manière de Sam Lee, ont décidé de réhabiliter des standards folk britanniques, des standards qui nous viennent d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande ou même de Guyane. Il les réhabilite avec une instrumentation à l'antiquité assez étrange. Il y a du dulcimer, des sistres, des banjos, de l'orgue à pompe. L'instrument le plus moderne, je crois, c'est une guitare sèche. Voilà, et donc il le joue tout ça de manière extrêmement rigoureuse, presque austère, mais avec un enregistrement moderne, plein d'écho et d'espace, plein de field recording. On entend des clapotis de berges, on entend des bruits de chantiers navals animés, des chants de marins ou de pêcheurs en fond. Voilà, et avec tout ça, donc, ces standards folk comptent des histoires ordinaires, des histoires d'exclus, des histoires d'exploitation un petit peu. Et c'est un groupe qui voit le folk comme un moyen d'arrimer un peu les luttes anciennes à celles du présent. En tout cas, c'est assez saisissant comme démarche et comme musique. On va écouter deux morceaux, donc un morceau qui vient d'assez loin, donc du 16e et du 17e siècle. Le premier s'appelle Thames Waters of Greenland Dock et le second The Grey Ogden Wading from Everson Road. On se quittera là-dessus. Shovel Dance Collective. Puisque tu parles de lutte, attends, puisque tu parles de lutte, demain il y a la manif à 15h du côté de Saint-Cyprien, voilà, contre la réforme des retraites. Absolument. Allez, ciao, bise. Bise. So dizzy and sick, for his life he don't give a damn. And high overhead the great fluke spread, and the mate gives a welly iron, and soon the blood in a purple flood from the spout all comes a-flying. Well, these trials we bear for night, for year, till the flying jib points for home. We're supposed for a toll to get a bonus of the oil and an equal share of the bone. But we go to the agent to settle for the trip, and we find we've cause to repent, for we've slaved away 4 years of our life and earned about £3.10. I must be going along this way. The burn and she led us through all. the clock keeps